puis ils se retireraient chez des parents. Jeanne leur ayant constitué une petite rente, ils avaient des économies d'ailleurs. C'étaient maintenant de très vieux serviteurs, inutiles et bavards. Marius, ayant pris femme, avait depuis longtemps quitté la maison. Vers 8 heures, la pluie se mit à tomber, une pluie fine et glacée que chassait une légère brise de mer. Il fallut tendre des couvertures sur la charrette. Les feuilles s'envolaient déjà des arbres. Sur la table de la cuisine, des tasses de café au lait fumaient. Jeanne s'assit devant la sienne et la but à petites gorgées, puis, se levant, « Allons, » dit-elle. Elle mit son chapeau, son châle, et pendant que Rosalie la chaussait de caoutchouc, elle prononça, la gorge serrée, « Te rappelles-tu, ma fille, comme il pleuvait quand nous sommes partis de Rouen pour venir ici ?» Elle eut une sorte de spasme, porta ses deux mains sur sa poitrine et s'abattit sur le dos, sans connaissance. Pendant plus d'une heure, elle demeura comme morte, puis elle rouvrit les yeux et des convulsions la saisirent, accompagnées d'un débordement de larmes. Quand elle se fut un peu calmée, elle se sentit si faible qu'elle ne pouvait plus se lever. Mais Rosalie, qui redoutait d'autres crises, si on retardait le départ, alla chercher son fils. Ils la prirent, l'enlevèrent, l'emportèrent, la déposèrent dans la carriole sur le banc de bois garni de cuir ciré. Et la vieille bonne, montée à côté de Jeanne, enveloppa ses jambes, lui couvrit les épaules d'un gros manteau, puis tenant ouvert un parapluie au-dessus de sa tête, elle s'écria « Vite, Denis, allons-nous-en !» Le jeune homme grimpa près de sa mère et, s'asseyant sur une seule cuisse, faute de place, il lança au grand trot son cheval dont l'allure saccadée faisait sauter les deux femmes. Quand on tourna au coin du village, on aperçut quelqu'un marchant le long en large sur la route. C'était l'abbé Tolbiac qui semblait guetter ce départ. Il s'arrêta pour laisser passer la voiture. Il tenait d'une main sa soutane relevée par crainte de l'eau du chemin et ses jambes maigres, vêtues de bas noirs, finissaient en d'énormes souliers fangeux. Jeanne baissa les yeux pour ne pas rencontrer son regard. Et Rosalie, qui n'ignorait rien, devint furieuse. Elle murmurait « Manon, Manon !» Puis, saisissant la main de son fils, « Fiche-j'y donc un coup de fouet !» Mais le jeune homme, au moment où il passait contre le prêtre, fit tomber brusquement dans l'ornière la roue de sa guimbarde lancée à toute vitesse, et un flot de boue jaillissant couvrit l'ecclésiastique des pieds à la tête. Et Rosalie, radieuse, se retourna pour lui montrer le poing pendant que le prêtre s'essuyait avec son grand mouchoir. Ils allaient depuis 5 minutes quand Jeanne soudain s'écria « Massacre que nous avons oublié !» Il fallut s'arrêter et Denis, descendant, courut chercher le chien tandis que Rosalie tenait les guides. Le jeune homme enfin reparut, portant en ses bras la grosse bête informe et pelée qu'il déposa entre les jupes des deux femmes. «